بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلونجا الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette rencontre à partir de ce moyen de communication et à partir de cette radio At-Taqwa. Nous rencontrons pour le premier cours sur cette radio, il a louange et à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous nous rencontrons autour de l'explication d'une épître qui est très importante dans notre aqida et dans le monothéisme, qui est les quatre règles du Cheikh Mohamed Ibn Wahhab rahmatullah alayh. Et nous allons prendre chaque dimanche inshallah cette épître à partir de l'explication qu'on a donnée l'uridi Cheikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allons sa vie dans son obéissance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science, de nos hommes de science. Donc, Cheikh Ubaid, hafidhahullah ta'ala, après khutbat al-haja, le sermon d'avant d'entreprendre une affaire, il a dit, et ceci dit, Allah m'a comblé d'interpréter cette bénéfique épître intitulée Les quatre règles de Cheikh l'Islam, l'imam, Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Donc il dit après khutbat al-haja, hafidhahullah ta'ala, thumma amma ba'd, faqad manna Allah subhanahu wa ta'ala alayya bi sharh al-risalati al-nafi'ati al-mati'ati الموسومة بالقواعد الأربع تأليف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في موطنين، أحدهما الخبر إحدى مدن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، والآخر في ألمانيا. فقام أخونا وصاحبنا وتلميذنا أبو الربيع عرفات بن حسن المحمدي بجمع الشرحين والنظر فيهما حتى تألف منهما شرح مختصر توخيت فيه بيان ما تضمنته من مراد مؤلفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقام أخونا عرفات بضبط النصوص من الكتاب والسنة وعزى الآيات إلى مواضعها من الصور، كما قام بتخريج أحاديث الشرح، فشكر الله له وبارك الله فيه ونفع بشرحنا هذه الرسالة أهل الإسلام كما نفع بأصلها، والله أسأل أن يثقل بها موازيننا يوم نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتبه عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا في الرابع عشر من الشهر العاشر من السنة الهجرية 1433. Et donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, et sur Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Ubaid, hafidhahullah ta'ala, après le sermon, avant d'entreprendre une affaire, khutbat al-haja, il a dit, ceci dit, Allah m'a comblé d'interpréter, d'expliquer cette bénéfique épître intitulée Les quatre règles du Cheikh l'Islam, l'imam Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, dans deux endroits, à Al-Khobar, l'une des villes de la région est du Royaume d'Arabie Saoudite, et l'autre en Allemagne, et ça a dû être par téléphone pour l'Allemagne. Et notre frère et compagnon, notre élève, Abu Rabi' Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, a réuni les deux interprétations et les a révisées, et on a fait une seule interprétation concise dans laquelle j'ai essayé de donner des éclaircissements concernant le but de l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Et puis notre frère a fignolé, notre frère Arafat a fignolé de façon précise les textes du livre et de la sunna, et il a cité le nom des sourates et leurs numéros, ainsi qu'il a indiqué aussi le degré des hadiths et leurs sources. Qu'Allah le récompense et le bénisse, et qu'Allah fasse que notre explication soit profitable pour les gens de l'islam, comme il a été pour l'original. Je demande à Allah qu'il alourdisse avec nos balances, la balance de nos œuvres, le jour de sa rencontre. Prière sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses nobles compagnons et salutations. Écrit par Cheikh Obaid ibn Abdillah al-Jabiri, l'ex-professeur à l'université de Médine, à l'université islamique de Médine, le 14 du 10e mois de l'an de l'Hégire 1433. قال رحمه الله تعالى وحفظه ومتع به وأطال عمره. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. Et donc Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdelwahab rahimahullah ta'ala dit dans cet épître, il la commence ainsi: j'implore Allah le très généreux, le seigneur du trône immense, de te prendre pour allié dans ce bas monde et dans le-delà, et de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui se montrent reconnaissants et remerciants lorsqu'ils reçoivent une faveur, et lorsqu'ils sont éprouvés, font preuve de patience, et lorsqu'ils commettent des péchés, implorent le pardon d'Allah. Car ces trois caractéristiques sont certes les signes du bonheur. يقول الشارح حفظه الله تعالى ومتع به وأطال عمره في طاعته: فهذه خمس دعوات دعا بها المصنف رحمه ربه جل وعلا للمخاطب والقارئ، وهذا من أساليب التشويق التي درج عليها علماؤنا، والغرض منه تهيئة المخاطب لما يلقى إليه. شيخ عبيد dans son interprétation, il commence ainsi, حفظه الله تعالى et que الله سبحانه وتعالى lance sa vie dans son obéissance. Il dit, il y a là, dans cette introduction, cinq du'as avec lesquels l'auteur a imploré son souverain pour le lecteur et pour celui à qui il s'adresse. Et ça, dit Cheikh Obaid, c'est un style pour exciter l'envie, la curiosité que nos savants utilisent pour préparer celui à qui il s'adresse au sujet qui va être traité. يقول حفظه الله: الدعوة الأولى تولي الله له في الدنيا والآخرة، ومعنى هذا أن الله يكون مع هذا المسلم معية خاصة مقتضاها حفظه وتثبيته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. Il dit حفظه الله تعالى: le premier dua contenu dans cet épître, c'est qu'Allah le prend comme allié dans ce bas monde et dans le delà. Cheikh Obaid dit, cela veut dire qu'Allah va être avec ce musulman d'une façon particulière, à savoir, il va le préserver, il va le raffermir avec la bonne parole, l'islam et la sunna, dans ce bas monde et dans le delà. يقول حفظه الله تعالى ومتع به: الثانية أي الدعاء الثاني: جعله مباركا أينما كان، وهذه مأخوذة من قوله تعالى فيما أخبر الله به من خبر المسيح صلى الله عليه وسلم وأمه عليهما الصلاة والسلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. والمعنى بأن يجعله الله نافعا منتفعا حيثما حل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، حيث حل نفع وانتفع، أفاد واستفاد، يجري الله على لسانه الحق فيتبصر به من أراد الله له البصيرة. Il dit, Hamidallahu Ta'ala, le deuxième dua, c'est te bénir là où que tu sois, que tu sois béni là où que tu sois. Il dit ce dua, Hamidallah, il dit ce dua est pris dans la parole d'Allah, où il annonce de Isa alayhi salatu salam et de sa mère, dans la traduction approximative du sens de ce verset, dans Surat Maryam, verset 31, où il est dit, Allah a fait que je sois béni où que je sois. Cheikh Ubaid, Hafidhahullah Ta'ala, dit, cela veut dire qu'Allah fait qu'il soit bénéfique où qu'il soit et bénéficiaire aussi. Et qu'il soit une clé du bien et une fermeture du mal, ou qu'il soit, il profite du bien et on profite de son bien. Allah lui a fait dire la vérité ainsi à qui Allah veut la guider, la clairvoyance. Allah lui a fait dire la vérité ainsi celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut la clairvoyance l'aura de par la vérité qu'il aura entendue de cette personne qu'Allah a béni. Il dit, يقول في شرحه حفظه الله الدعوة الثالثة الشكر على العطاء الشكر على العطاء. يقول وهذا معناه أنه سأل للمخاطب أن يكون شاكرا على ما أنعم الله به عليه في دينه ودنياه. Il dit, le troisième dua, c'est qu'il se Le troisième dua, c'est qu'il soit reconnaissant et remerciant quand il reçoit des faveurs. Qu'il soit reconnaissant et remerciant. Cheikh Ubaid dit, cela veut dire que l'auteur a demandé pour celui à qui il s'adresse qu'il soit reconnaissant et remerciant vis-à-vis des grâces avec lesquelles Allah l'a comblé dans sa religion et dans son mandat. يقول الشيخ عبيد حفظه الله والشكر يتحقق للعبد بثلاثة أمور. Il dit حفظه الله تعالى et la reconnaissance et le remerciement s'accomplit par trois choses. Le soumis à Allah سبحانه وتعالى les accomplit par trois choses. À savoir, يقول حفظه الله أحدها الإقرار بالنعمة باطنا وذلك باعتقاد أن هذه النعم هي من الله فمردها إليه إن شاء أبقاها وإن شاء سلبها. Et la première des choses avec lesquelles s'accomplit la reconnaissance et le remerciement, d'abord, premièrement, dit Cheikh Ubaid حفظه الله, la confirmation de la grâce par le cœur, en croyant que cette grâce provient d'Allah et revient à Allah. Si Allah le veut, il la laisse à la personne. Et si Allah le veut, il lui ôte. الأمر الثاني التحدث بالنعمة ظاهرا عند الحاجة أو حين يرى مصلحة تقتضي ذلك. مثل رزقت والحمد لله بعشرة بنين كلهم يحفظ كتاب الله. Et le deuxième moyen avec lequel on accomplit la reconnaissance, c'est de montrer cette grâce en la citant quand le besoin s'en ressent ou quand il y a un intérêt à la citer. Par exemple, la personne, il dit, louange à Allah, j'ai 10 enfants, tous ont mémorisé le livre d'Allah. الأمر الثالث صرف هذه النعمة في مرضاة موليها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى. صرف هذه النعمة في مرضاة موليها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للعبد الصالح. Le troisième moyen avec lequel on accomplit la reconnaissance et le remerciement, Cheikh Obaid, il dit, c'est utiliser cette grâce et ces bienfaits dans les voies agréées par celui qui a comblé avec, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Bukhari rahimahullah dans Adab al-Mufrad, le hadith dit ceci: la bénédiction est dans la fortune pure et licite de l'homme pieux. La bénédiction est dans la bénédiction est dans la fortune pure et licite de l'homme pieux. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبت المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. Et donc, il rapporte aussi le hadith d'El Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi. Tirmidhi a authentifié ce hadith. Le hadith de Kabsh al-Anmari, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: je fais le serment concernant trois choses, et je vous fais une citation, mémorisez-la. Et il a dit: la charité ne diminue pas la fortune d'un soumis à Allah. Il a dit: quand quelqu'un subit un préjudice, il patiente, Allah l'élève et l'honneur. Et quand un soumis à Allah demande de gens des choses, Allah lui ouvre une porte de pauvreté ou une parole similaire, il a dit. Et je vous adresse des paroles, mémorisez-les. Il a dit: certes, ce bas monde, il est pour quatre personnes. Un soumis à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de fortune et de science, et qui préserve les droits d'Allah concernant la fortune et entretient avec la relation du sang et reconnaît les droits d'Allah concernant cette fortune, celui-là est dans la meilleure des places. Et un soumis à Allah, le deuxième, est un soumis à Allah, qu'Allah l'a comblé de science, mais sans fortune. et il est véridique dans son intention. Et il dit, si j'avais l'argent ou la fortune de l'autre, j'aurais agi comme tel. Si j'avais la fortune, j'aurais agi comme tel. Avec son intention, leur récompense est identique, c'est-à-dire sa récompense est comme le premier, tout simplement par sa bonne intention. Et ainsi le troisième, insoumis à Allah, Allah lui a octroyé une fortune, mais il lui a pas donné de science. Et il agit n'importe comment dans cette fortune, et il ne préserve pas les droits d'Allah. Il n'entretient pas avec sa fortune les relations des sangs en donnant à ses proches. Celui-là est dans la plus mauvaise des situations. Celui-là est dans la plus mauvaise des situations. Et il dit, alayhi salatu wassalam, il y a un autre soumis à Allah. Allah ne lui a pas donné ni la science ni la fortune. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme tel. C'est-à-dire qu'il aurait fait comme le mauvais, qui ne donne pas et qui n'entretient pas et qui ne donne pas à ses proches, etc. Et qui fait n'importe quoi dans son argent. Il a dit, j'aurais fait comme tel, avec son intention, il est dans la même mauvaise situation de péché que l'autre, à qui il voulait ressembler. يقول الشيخ عبيد حفظه الله فهذا الحديث فيه تقسيم الناس إلى أقسام أربعة فالأول غني شاكر رفعه الله إلى أفضل المنازل بعلمه والثاني فقير صابر صادق النية على الإنفاق مما رزقه الله فبلغه الله أفضل المنازل بنيته الصادقة والثالث غني بطر شحيح بخيل فأرداه عمله في أخبث المنازل والرابع فقير بطر نيته سيئة فأردته نيته السيئة مع فقره في أخبث المنازل. وبهذا نعلم أن النية الصادقة يرفع الله بها صاحبها فيبلغه مبلغ العامل والنية السيئة يردي بها الله صاحبها حتى يكون في أخبث المنازل. إيه الشيخ عبيد اللي حفظه الله تعالى السحديث هذه السحديث دو الترمذي رحمه الله كسيتي الترمذي سي de Abi Kabsha, l'Anmarik, Allah subhanahu wa ta'ala, grillé noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Ubaid, il dit, ce hadith divise les gens en quatre catégories. La première catégorie, un riche reconnaissant et remerciant Allah, celui-là, Allah l'a élevé très haut avec son œuvre. Deuxièmement, un pauvre patient véridique, dans son intention concernant la charité. Allah l'a élevé très haut pour cette bonne intention et pour cette intention véridique. Et la troisième catégorie, un riche insolent qui ne s'acquitte pas de ses devoirs et ne préserve pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est avare. Son œuvre l'a mis dans la plus mauvaise des situations. Et la quatrième catégorie, un pauvre, insolent, avec une mauvaise intention. Sa mauvaise intention l'a mis dans la plus mauvaise des situations, comme celui de la troisième catégorie à qui il voulait ressembler. Cheikh Obaid, il dit, partant de là, on sait qu'Allah élève celui qui a une bonne intention, une intention véridique, il le met à pied d'égalité avec celui qui œuvre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse au plus bas degré celui qui a une mauvaise intention. Qala hafidhahu Allah ta'ala, ad-da'watu ar-rabi'a, as-sabru 'ala al-bala'. والمعنى يقول الشيخ عبيد أنه يصبر على كل ما أصابه من مصيبة محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن الشيخ عبيد يلدي le cinquième dua contenu dans cette introduction du Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelwahab, c'est la patience face à l'épreuve. C'est d'être patient face à l'épreuve. Cela veut dire, dit Cheikh Obeid, qu'il patiente face à tout ce qu'il subit, voulant la récompense d'Allah. Il patiente pour avoir les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وقد والخامسة الاستغفار حال الذنب. Il dit le cinquième dua, c'est demander le pardon au moment où il commet un péché. يقول الشيخ عبيد وقد جاءت أدلة هذه الثلاثة الأخيرة في الكتاب والسنة تناء من الله أو وعدا من الله لهم بحسن العاقبة وهاكم أدلتها على الترتيب السابق. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إيه الشيخ عبيد دو دير ces trois dernières, à savoir quoi? Le fait d'être reconnaissant à Allah, le fait d'être patient et le fait de demander le pardon de Allah, Azza wa Jal. Il a dit, ces trois dernières trouvent leur preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Soit en tant que complément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui agissent avec ces qualités, soit Allah leur promet des meilleurs aboutissements. Tout ceci pourquoi? Pour la reconnaissance et le remerciement qu'ils ont, et pour la patience et pour la demande du pardon. Et il dit, Habidallah, et voici les preuves dans l'ordre précité, c'est-à-dire les preuves concernant la reconnaissance, concernant deuxièmement la patience et le pardon. Et il a cité le verset dans Surat Al-Ibrahim, dont la traduction approximative nous dit ceci, « Et lorsque votre souverain proclame, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, c'est-à-dire les bienfaits, si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente les bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. » يقول الشيخ عبيد حفظه الله وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et donc dans ce hadith rapporté par l'imam Abu Dawood, qui est un hadith authentique, et par Nasa'i et par d'autres, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à l'un des nobles compagnons qui est Mu'ad ibn Jabal, il est dit, « Oh Mu'ad, par Allah je t'aime, par Allah je t'aime. » Et il a dit, et lui a dit, « Je te conseille, oh Mu'ad, ne te laisse pas à la fin de chaque prière de dire, « Oh Allah, aide-moi à t'invoquer et à t'être reconnaissant et à perfectionner ton adoration. » C'est l'une des preuves de la reconnaissance. Oh, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a orienté à dire « et à t'être reconnaissant ». Et donc le hadith, il est authentique. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 94 موضعا ذكره ابن القيم في المدارج في مدارج السالكين. إذن الشيخ حفظه الله تعالى سيتي لو فيرسي دون سورة البقرة لو فيرسي 155 où il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, annonce la bonne nouvelle aux endurants, c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des éloges à et que la miséricorde de leur et ainsi que de la miséricorde de leur souverain. Ceux-là reçoivent des éloges ainsi que la miséricorde de leur souverain et ceux-là sont les bien guidés. Et donc ce verset cher, il l'a cité pour la patience. L'imam Ahmed a dit dans ce qu'il a cité cher ici et ceci est rapporté par Ibn al-Qayyim dans Madar al-Salikin. L'imam Ahmed a dit Allah a cité la patience dans 90 endroits ou dans plus de 90 endroits du Coran. يقول الشيخ عبيد حفظه الله وفي الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب أي تعب ولا وصب أي وجع حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الشيخ de citer de dire c'était un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari par l'imam Muslim رحمهم الله تعالى où il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que subit le musulman, comme souci, comme tristesse, comme fatigue, comme souffrance, même l'épine qui le pique, Allah lui expie avec ses péchés. Regardez cette immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa clémence. Yaqul al-Shaykh, رحمه الله وحفظه وأخرج مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث ظهر لكم أنه جمع بين خصلتين وهما الشكر والصبر. فالمؤمن حال النعمة شكور وحال المصيبة صبور لأنه موقن بحسن العاقبة وحميدها عند الله سبحانه وتعالى. إيه Cheikh Hafidhahullah a cité un autre hadith chez l'imam Muslim. Hadith de Suhayb ibn Sinan. Où le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, étonnante est la situation du croyant. Toute cette situation est un bien. Toute cette situation est un bien. Et ceci n'est dit qu'au croyant. Quand il est touché par un bien, il est reconnaissant, il remercie Allah. Et ceci est bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, il patiente. Et ceci est un bien pour lui. Cheikh Obed de dire, ce hadith réunit deux qualités. La reconnaissance, le remerciement et la patience. Et il dit, Abdallah, car le croyant face aux bienfaits, il est reconnaissant. Et face à la catastrophe et au malheur, il est patient, car il a la certitude que le meilleur but et la bonne fin et la fin louée, il est chez Allah Azza wa Jal. La bonne fin l'attend chez Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله والدعوة الخامسة الاستغفار من الذنب. قال تعالى في أوصاف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et il dit حفظه الله تعالى, et le cinquième دعاء qu'a fait Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelwahab, c'est de demander le pardon pour le péché. Demander le pardon pour le péché. Et il dit dans ce et il dit dans le verset concernant les descriptions de ceux qui préservent les droits d'Allah, et il a cité حفظه الله تعالى le verset de Surat Al-Imran, verset 135, où il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, « Et ceux qui ont commis quelques turpitudes ou se sont causés quelques préjudices en désobéissant à Allah, invoquent Allah et demandent son pardon. Quand ils se rappellent, ils invoquent Allah et demandent son pardon pour ce qu'ils ont commis. Et qui pardonne les péchés, c'est non Allah Azza wa Jal. Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. يقول حفظه الله وفي الحديث الصحيح يا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Il cite, Habibullah Ta'ala, le hadith authentique où il dit, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans l'authentique de Bukhari, où il dit, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, repentez-vous à Allah, car dans la journée, je me repens à lui plus de 100 fois. Non, le premier hadith qui est le hadith cité par l'imam Bukhari, rahimahullah, ô gens, repentez à Allah, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car je me repens à Allah dans la journée plus de 70 fois. Wa fi sahih Muslim, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ila Allah fi al-yawm, fa inni atubu ila Allah fi al-yawm 100 marra. Ila ghayri dhalikum min al-ayat wal ahadith التي يدعو الله بها عباده إلى التوبة والاستغفار وأنه سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. على هذا تضافر الكتاب والسنة وبمقتضاهما أجمع الأئمة على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإن خالفهم المعتزلة ومن لف لفهم. إيه rajoute, حفظه الله تعالى, un autre hadith qui est rapporté dans l'authentique du muslim, où il est dit au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh gens, repentez-vous à Allah, car dans la journée, je me repens à Allah 100 fois. Il dit, حفظه الله تعالى. Et donc, il dit, ainsi que d'autres hadiths et d'autres versets qui contiennent l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ses soumis pour qu'ils se repentent et pour qu'ils implorent son pardon. Et cela stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de tout un chacun qui se repent. Et c'est ce qui est prouvé par le livre et par la sunna il parle authentique de la sunna du prophète alayhi salam, hein, et aussi par le consensus des imams de la science. Il est prouvé par le livre, la sunna, et par le consensus que celui qui se repent du péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Les Mu'tazila, ainsi que ceux qui ont pris un chemin similaire au leur, sont en divergence avec le consensus des imams de la science à ce niveau-là. Mais leur divergence n'a aucune valeur chez les gens de la sunna. يقول الشيخ حفظه الله وهنا وها هنا سؤال لماذا سميت الخصال الثلاث الأخيرة عنوان السعادة يقول والجواب عنوان السعادة أي علامة على فلاح المتصف بها وبشرى خير له في الدنيا والآخرة وسميت عنوان السعادة لما تظهره من تواضع العبد لله سبحانه وتعالى وتدلله له وافتقاره إليه وأن الله غني عنه واعتقاده يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ومعبوده دون سواه وأن الأمر كله له كما أن الخلق كله له سبحانه وتعالى Il dit, حفظه الله تعالى, il y a une question qui s'oppose. Pourquoi ces trois qualités sont appelées les signes du bonheur, c'est-à-dire le fait d'être reconnaissant face au bien qu'on reçoit d'Allah et le fait d'être patient, on dirait, face aux catastrophes et aux malheurs et le fait de se repentir quand on commet un péché. Pourquoi ces trois choses sont les signes du bonheur? Il dit la réponse, l'emblème du bonheur ou le signe du bonheur, c'est la réussite et la bonne nouvelle pour celui qui a ses qualités. Sa réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, hein, il est dans ces trois qualités. À être reconnaissant face au bienfait qu'il reçoit d'Allah, à être patient face au malheur et à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment du péché. Et donc, ça, c'est le signe de sa réussite. C'est le signe de sa réussite dans ce bas monde et dans le delà. Et ces qualités, dit Cheikh Habibullah, ont été appelées les signes du bonheur, car ils montrent la modestie du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils montrent la faiblesse du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils montrent le grand besoin du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, combien le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de son souverain subhanahu wa ta'ala et combien il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, n'a pas besoin de lui ni de qui que ce soit. Et aussi, il montre que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala croit avec certitude que c'est Allah son créateur et qu'il accomplit l'adoration uniquement. Et il montre aussi comme quoi il accomplit l'adoration uniquement pour Allah et que toutes les situations appartiennent à Allah ainsi que toutes les créatures, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'arrête là, inshallah, dans cette étude de cette risala, de cette interprétation des qawa'id, hein, de l'interprétation des quatre règles du Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, qu'il a intitulé le Bayanul Murassa fi Sharhi al-Qawa'id al-Arba', et notre premier cours a s'est déroulé durant cette nuit du 20 Rabi' al-Awwal de l'an 1441 de l'Hijr et qui correspond au 17 novembre 2019. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre, allonge la vie de notre cheikh dans son obéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le firdaus al-a'la et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui profitent de la science, des grands hommes de science et des hommes de science et qui restent derrière eux et qui mettent en application leurs orientations et leurs conseils